c'est comme ça, je vais pas te forcer. Pour toi j'ai quitté mon passé, mais non ça, et tu le sais. Thought you love me crazy, thought you love me crazy, but I'm not le champagne. Baby, pourquoi c'est jamais assez? Des efforts j'en ai fait, mais j'en ferai pas à vie. Ascoltons à te, beso, beso, un beso va tu te, beso, beso, juste un beso tu. Ouais, c'est que des mots, mais c'est véridique, j'te parle du cœur, et le cœur ne sait pas mentir. Si je m'en vais, t'auras plus de prise de tête. Mais peut-être qu'on se reverra. Rababababa. Tu me diras que personne n'est parfait. On s'est juste loupé. Ya ya ya. Si elle va être torche, ça me manque tu. Ça me manque tu. Oh, ça me manque tu. Tu n'y crois pas, mais je sais que t'es ma future. Ouais, t'es ma future. Je sais que t'es ma future. Chaque image, on sait, on.